clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Allons-en vers les morts, c'est le but du feu. Ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit: je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. Au clair de la lune, s'en fut Arlequin. Chez la brune, elle répond soudain: qui frappe de la sorte, il dit à son tour: ouvrez votre porte pour le dieu d'amour. Clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. On cherche à la plume, du feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouva, mais je sais que la porte sur ce ferma. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. Cherchant la pluie.